je suis Birdie Doc. J'ai connu des époques où l'on disait « nous, les ouvriers » ou, dans des salons plus discrets, « nous, les bourgeois ». Dans les deux cas, un « nous » dit avec la tranquille assurance de ceux qui savent d'où ils parlent. Puis vint la grande moyennisation. Henri Mandras décrivait une société en toupie, un centre élargi, des extrêmes moins massifs, une diffusion relative du confort matériel. L'image suggérait un rapprochement, moins de distance interclasse, moins de fractures, moins d'opposition frontale. Moins d'opposition frontale et plus d'individualisme et d'individualisation. Les classes sociales sont malmenées. Et ce, d'autant plus que deux autres phénomènes apparaissent avec netteté dans les sociétés contemporaines. L'augmentation des distances, non pas interclasse, mais intraclasse, et la perte de l'identification subjective à une classe. Deux mouvements qui ne s'annulent pas, et bien au contraire qui se renforcent. Les enquêtes montrent régulièrement qu'une partie des individus dit n'appartenir à aucune classe, près du tiers des sondés actuellement. On peut parler ici de perte de l'identification subjective à une classe. Reste deux tiers qui, pour la très grande majorité, se considèrent comme moyens. Ils se sentent appartenir à la classe moyenne, même lorsque leur position objective les situe clairement dans le haut ou dans le bas de la hiérarchie. Parmi les 20% des Français les plus aisés, 70% considèrent appartenir à la classe moyenne. Intéressant, non? Les riches se considèrent comme moyens. On peut parler ici de brouillage de l'identification subjective à une classe, et cela signifie beaucoup. Se dire « classe moyenne », ce n'est pas seulement indiquer un niveau de vie, c'est neutraliser le langage de la domination. Ni dominant, ni dominé, juste normal, moyen. Or, une société où chacun se dit moyen est une société où les frontières symboliques entre classes deviennent floues et donc où la pertinence du concept de classe s'amoindrit. Parallèlement, les écarts internes au groupe s'accentuent. C'est ce que l'on appelle l'augmentation des distances intra-classes. À l'intérieur même des catégories aisées, moyennes, populaires par exemple, les situations divergent fortement. Il y a les propriétaires et les non-propriétaires, les salariés protégés, les travailleurs précaires, les diplômés de diplômes très sélectifs et les diplômés ordinaires, les ménages patrimoniaux, je ne sais pas si je peux le dire ainsi, et les ménages dépendant du seul revenu du travail. Statistiquement regroupés, socialement éloignés, de nouvelles hiérarchies apparaissent non plus entre classes, mais à l'intérieur même des classes. Et on peut facilement articuler perte du sentiment d'appartenance et augmentation des distances intra-classes. Cette augmentation fragilise mécaniquement l'identification commune. Plus un groupe est hétérogène, moins ses membres partagent des conditions comparables, moins ils développent une conscience homogène. Un individu objectivement favorisé peut se percevoir comme moyen s'il se compare à des situations beaucoup plus favorisées. Un médecin, clairement et objectivement favorisé dans la société, regardant du côté des ultra-riches, ne pourra accepter qu'il appartienne à la même classe. Les écarts ont à ce point augmenté que beaucoup de médecins parlent de déclassement. Ils ont le sentiment d'être dans une position sociale inférieure à celle des générations des médecins passés. C'est un peu la même chose avec les professeurs. C'est un peu la même chose avec les ouvriers. Un ouvrier en contrat précaire n'est objectivement pas à la même place qu'un ouvrier en contrat stable. Les écarts grandissent, et le sentiment d'appartenance à une classe ouvrière disparaît progressivement. La comparaison devient interne. Le patron de PME avec ses 5000 euros de revenus mensuels ne se compare plus à l'ouvrier, mais au dirigeant du CAC 40 qui peut gagner 400 fois plus. Le salarié précaire ne se compare plus au grand patron, mais au salarié stable. La structure globale devient moins visible, plus floue. Et ainsi, l'augmentation des distances intra-classes alimente la perte de l'identification subjective à une classe. Nous sommes donc face à un double mouvement. D'un côté, les inégalités objectives persistent. De l'autre, l'augmentation des distances intra-classes fragmente les groupes et la perte brouillage de l'identification subjective à une classe affaiblit le « nous ». Les classes sociales ne disparaissent pas nécessairement comme groupes structurants et comme outils d'analyse du sociologue, mais leur capacité à produire une conscience collective s'atténue. Et moi, Birdie Dog, qui ai vu des hommes se lever au nom d'un groupe clairement nommé, je contemple aujourd'hui une société où l'on préfère se dire « moyen », un peu comme si l'on abdiquait devant un devoir trop dur dont on espère obtenir un petit 10. Le mot « classe » subsiste, comme outil pour le sociologue, mais l'identification, elle, vacille et les classes perdent de leur substance.